إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on est rendu à la 11e partie dans l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya. Et le point qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le point 14. Hein? Et le titre de ce point, ou de cette mas'ala, al-mas'alatu al-rabi'ata ashara, nafyuhum al-haq wa isbatuhum al-batil. C'est-à-dire que ils ont, les gens de la Jahiliya, ils ont nié la vérité, ils ont affirmé le faux ou la fausseté. Et ça, c'est une des bases de leur religion. Les gens de la Jahiliya, c'est ça leur religion. Nier la vérité, affirmer le faux. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Inna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'ida wa hiya al-nafyu wal-ithbat fayattabi'un al-hawa wal-dhan wa yu'aridun amma ja'at bihi al-rusul. » Le Cheikh, il dit « Tout ce qui a été mentionné jusqu'à maintenant, les points qu'on a mentionnés depuis le début jusqu'à maintenant, c'est basé sur une seule règle, la négation et l'affirmation. C'est-à-dire, nier qu'est-ce qui est vrai et affirmer ce qui est faux. Donc, ils suivent la passion et la conjecture et ils s'opposent à ce que les messagers ont amené. D'accord? Donc, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, maintenant, il explique ça, il donne plus de détails à ce sujet-là. Il dit, « كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنها إنما هي مبنية على النفي والإثبات فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله ولذلك وقعوا في الضلال فالله جل وعلا نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر التوحيد وهم عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد فعكسوا معنى لا إله إلا الله تماما قال الله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الإيمان بالباطل هو المنفي وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والإيمان بالله هو الإثبات وهم كفروا بالله ونفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. Donc le Cheikh il explique que tout ce qu'on a mentionné depuis le début, des points et des questions qui ont été mentionnées au sujet de la religion des gens de la Jahiliya, hein, tout ça c'est basé sur deux choses, la négation et l'affirmation. Donc, ils affirment tout ce que Allah a nié et ils nient tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. Et c'est ça la religion des gens de la Jahiliya. Et même à l'époque actuelle, les gens de la Jahiliya, les kuffars, les mushrikins, les gens qui suivent des exemples de la religion des gens de la Jahiliya, hein, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des athées ou autres, eh bien, leur erreur se situe toujours dans ce sens-là. Et même quand on regarde leur mode de vie et leur façon de vivre dans la société, eh bien, on dirait qu'ils font toujours le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Et tout ce que Allah interdit, ils cherchent à le faire. Hein? Et ça, c'est étonnant. Hein? En fait, des fois même, quand on observe les choses, on a l'impression que si on faisait tout le contraire de ce que les gens font dehors, on a l'impression qu'on serait en train de pratiquer l'islam, sans même connaître la révélation. Ça, c'est à quel point ces gens-là, ils cherchent à contredire les messagers et à faire le contraire de ce que les messagers ont enseigné. Regardez tout ce qu'Allah a ordonné. Il a ordonné le tawhid. Eux, ils font le shirk. Et ils permettent le shirk. Et ils incitent et invitent les gens au shirk. Hein? Et Allah interdit le shirk, donc eux, ils le font. Et il leur donne de faire le tawhid, eux, ils interdisent le tawhid. Et ils opposent le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne l'adoration et la piété, le bien et s'éloigner des péchés. Eux, ils encouragent déjà à faire le mal et à faire le péché et à opposer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples. Donc le cheikh, il dit donc, ils affirment ce qu'Allah a nié et ils nient ce qu'Allah a affirmé. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et a nié le shirk. Et Allah a affirmé le tawhid et a ordonné le tawhid. Eux, ils font le contraire. Ils affirment le shirk et ils nient le tawhid. Ils ont complètement renversé la signification du témoignage de la ilaha illallah. Hein? Ils ont fait le contraire complètement. Au lieu d'affirmer l'existence d'Allah seul et de nier ce qui est adoré en dehors d'Allah, ils ont affirmé ce qui est adoré en dehors d'Allah et ils ont nié l'adoration d'Allah seul. Hein? Et c'est pour ça que Allah il dit dans le verset 52 de la sourate Al-Ankabut, والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. Ceux qui ont cru en ce qui est faux et qui ont mécru en Allah, alors ceux-là ce sont les perdants. Et c'est ça ce que ces gens-là font aujourd'hui. Et c'est ça ce qu'ils faisaient même auparavant. Donc la foi en ce qui est faux, c'est ce qui est nié par Allah. Et eux, ils y croient et ils l'affirment. Au lieu d'y croire, au lieu de rejeter la foi en le faux, ils l'affirment. Et la foi en Allah, c'est ce qui est affirmé par Allah, c'est ce qui est ordonné par Allah. Eux, ils rejettent la foi en Allah. Donc, ils nient ce qui est affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala, du moment qu'ils croient en ce qui est faux. Hein? Donc, ils ont affirmé ce qui est nié, et ils ont nié ce qui est affirmé, hein? En rejetant la foi en Allah. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ هَذِهِ قَاعِدَةُ الْجَهِيِّ الَّتِي يَسِرُونَ عَلَيْهَا وَيَتَخَبَّطُونَ فِي ضَلَالِهِمْ فَلَوْ تَتَبَّعْتَ أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه القاعدة فمن أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله ومن أحل حراما أو حرم حلالا فهو من هذا القبيل فمن نفى ما أحله الله وأثبت ما حرمه الله فهو من هذه القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية ومن عادى أهل التوحيد ووالى أهل الشرك فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله لأن الله أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة المشركين. Donc le cheikh dit ça c'est la règle des gens de la jahiliya, c'est ça qu'ils suivent. Et ils s'égarent et ils patouchent dans leur égarement. Et si tu regardes et tu suis les états que ces gens-là sont en train de pratiquer et de suivre, et la situation dans laquelle ils sont, tu vas voir qu'ils sont toujours en train de suivre cette règle, ils ne sortent jamais de cette règle. Celui qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a nié ce qu'Allah a affirmé. Et il a affirmé ce qu'Allah a nié. Et celui qui a rendu halal ce qui est haram, ou qui a rendu haram ce qui est halal, ça aussi ça fait partie de ça. Ça fait partie d'affirmer ce qui est nié et de nier ce qui est affirmé. Allah il a interdit l'alcool, toi tu le rends halal. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit le zina, toi tu le rends halal. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk, toi tu le rends halal. C'est exactement ça que les kuffars, les mouchriquins sont en train de faire. Allah il a ordonné le hijab, il a interdit le tabarruj, eux ils ordonnent le tabarruj et ils interdisent le hijab. Et tout ce que Allah ordonne, eux ils font le contraire. C'est comme ça la religion déjà de la jahiliya. Hein? Yani, subhanallah. Allah, le prophète s'en sème interdit de construire des choses sur des tombeaux. Eux, ils construisent des choses sur des tombeaux. Hein? Et ils ordonnent aux gens d'aller adorer ceux qui sont enterrés dans les tombes. Donc, tout ça, c'est des exemples. Tout ça, ça rentre là-dedans. Dans le halal, dans le haram, le fait de rendre haram ce qui est halal, de rendre halal ce qui est haram, ça rentre là-dedans. Hein? Fahouamin hadhihi al-qa'ida. Il n'y a rien qui sort de ça. Ça fait partie des actions des gens de la jahiliya. Hein? Et même, je me souviens, même avant l'islam, subhanallah, même quand j'étais pas musulman, j'observais, j'analysais, j'observais la société, comment la société était, et je regardais la Bible, et je voyais que tout ce qui était dans la société, c'était le contraire de ce qui était dans la Bible. Alors déjà, même avant d'être musulman, j'étais déjà opposé à cette société et aux valeurs de la société. Parce que je me disais, ça se peut pas, que Dieu il a interdit des choses, puis la société le rend halal ou le permet. Et ça se peut pas que Allah ordonne des choses, puis la société l'interdit. C'est pas logique, c'est pas possible. À moins que ces gens-là, ils ne croient pas du tout à la religion. Et c'est ça la réalité. Hein? Donc il faut faire attention. Bien entendu, il peut y avoir des cas, bon, dans les pays musulmans, il peut y avoir des péchés, il peut y avoir des choses contraires à la religion, sans pour autant que ça signifie que les gens sont mécréants. Parce que, bien entendu, il peut y avoir des péchés qui se produisent, mais les gens reconnaissent que c'est haram, que c'est mauvais. Ils ne le rendent pas halal, hein. Tandis que, la personne qui le rend halal, ça c'est un kafir. La personne qui rend quelque chose qui est haram, il le rend halal, il est kafir même s'il ne le fait pas. Comme par exemple quelqu'un il dit moi je ne bois pas d'alcool mais je crois que c'est halal l'alcool, même s'il ne boit pas d'alcool il est kafir, hein. Ou celui qui dit moi je crois que le zina c'est halal et il sait que Allah l'a interdit dans le Coran, et bien ça fait partie du kufr, il rend halal ce qui est haram. Mais celui qui fait le péché, hein, il fait le zina ou il boit de l'alcool mais il dit c'est haram je sais et je demande pardon à Allah, celui-là il n'est pas kafir. Il est toujours un musulman, sauf qu'il est un musulman et un croyant avec la foi faible. Hein? Il n'est pas en dehors de l'islam à cause de ça. Donc il faut faire la distinction entre ces deux choses-là. Hein? Pour ne pas tomber dans le takfir ou dans la voie des khawarij. Après le cheikh il dit, hein, celui qui s'est opposé aux gens du tawhid et qui a pris pour allier les gens du shirk, alors il a nié ce que Allah a affirmé, il a affirmé ce que Allah a nié, parce que Allah a ordonné de s'allier aux croyants, et il a interdit de s'allier aux gens qui pratiquent le shirk, et qui commettent le shirk, c'est-à-dire les gens qui adorent autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'explication du point numéro 14. Maintenant, la question numéro 15, le cheikh il mentionne un autre point, « اعتذارهم عن قبول الحق بعذر باطل » C'est-à-dire, ils vont mentionner comme excuse pour refuser d'accepter la vérité, une excuse qui est vraiment fausse, qui est totalement inacceptable. Déjà, automatiquement que quelqu'un rejette la vérité, son excuse ne peut être que fausse, hein, en partant. Mais eux, ils mentionnent des arguments ou des excuses qui sont clairement fausses. Hein. Donc le cheikh il donne comme point numéro 15 ce point suivant. Il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم كقوله وقالوا قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il utilise comme excuse de ne pas suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, du fait qu'ils disent qu'on ne suit pas ce que Allah nous a envoyé comme message, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'a pas compris, on ne comprend pas. Ça, c'est leur excuse. Et, il mentionne des versets à ce sujet-là. Comme le verset 88 à propos des Juifs. Ils ont dit, notre cœur est Rolf. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire à ce sujet-là dans l'explication de ce verset. Rolf, il y en a qui ont expliqué que ça veut dire que leur cœur a été recouvert de quelque chose. Hein, enveloppé ou recouvert de quelque chose. Donc ils disent, on peut pas comprendre ce que tu nous dis, notre cœur est enveloppé. Il y en a comme ça, c'est des chéatines, il y en a, de mentionner un exemple pareil. Comme par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, qu'il guide qui il veut et qu'il égare qui il veut. Mais il y en a des kuffars aujourd'hui, quand tu leur dis par exemple, accepte l'islam, accepte le tawhid, rentre dans la religion d'Allah, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils disent, non, j'accepte pas parce que Dieu ne m'a pas guidé. Des exemples comme ça. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, envoyer des messagers et des livres pour les appeler à la foi, ces gens-là. Donc Allah veut leur guidance. Waalaikum salam, Allah. Et ça, c'est des, ça fait partie des exemples. Après, le chef, il dit, ils ont dit à Shu'aib, « Oh Shu'aib, on ne comprend pas beaucoup de choses de qu'est-ce que tu dis. » Verset 91 dans Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala a démenti ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis et il a clarifié que la raison pour laquelle ils ne comprenaient pas ou pourquoi ils acceptaient pas, c'est parce que leur cœur avait été scellé. Et la raison pour laquelle leur cœur avait été scellé, c'était à cause de leur mécréance. C'est à cause de leur mécréance. Et le Cheikh Al-Fawzan explique. Il dit, « اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون غلف يعني عليها غلاف لا يصل إليها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه فاتخذوا هذه أو هذا حجة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المعنى المشهور للآية والمعنى الثاني وقالوا قلوبنا غلف يعني أنها مملوءة من العلم فليس بحاجة إلى كلام أحد فليس بزعمهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit qu'ils ont pris comme excuse du fait de ne pas accepter la vérité, qu'ils ne la comprennent pas. On ne la comprend pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'accepter. Et Allah il dit au sujet des juifs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a invités à l'islam, ils ont dit, nos cœurs sont enveloppés, nos cœurs sont recouverts, dans le verset 88 dans Al-Baqarah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond en disant, non mais c'est en réalité, Allah les a maudits pour leur mécréance. Et à cause de ça, ils ne croient que très peu. Et comme vous voyez ce verset-là, il y a plein d'autres versets aussi qui mentionnent que la mécréance et l'égarement, eh ben, c'est souvent une conséquence du fait que des gens ont refusé de croire ou parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Et pour les punir, Allah les a égarés par la suite. Comme on voit par exemple dans des versets comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ lorsqu'ils se sont déviés, Allah a dévié leur cœur. فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ c'est dans ce verset-là, Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Et c'est pour ça qu'ils ne croient pas. Donc il y a beaucoup d'autres exemples aussi de versets qui montrent que l'égarement est souvent une punition et un résultat de la mécréance et du fait qu'il se détourne de la vérité, et la guidance souvent c'est le résultat que quelqu'un a la foi ou qu'il accepte la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le fait que la personne écoute et accepte, Allah le récompense en lui donnant la guidance. Il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran, comme par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله سبحانه وتعالى augmente en guidance ceux qui se sont guidés, qui ont cherché la guidance. Ou des versets qui disent par exemple والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, ceux qui font des efforts dans notre chemin, dans notre voie, on va les guider dans nos sentiers. Ou plein d'autres versets aussi comme ça qui mentionnent cette chose-là. Donc ça prouve que la guidance et l'égarement, ils ont des causes. La guidance, elle a des causes, l'égarement, elle a des causes. Si quelqu'un fait les causes pour la guidance, il sera guidé. Si quelqu'un fait les causes pour être égaré, il sera égaré. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a cru et qui a créé Allah et qui a reconnu la récompense qui va venir par rapport au fait qu'il a cru en la vérité, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter le bien. Et celui qui a été qui a démenti ou qui a traité la vérité de mensonge et qui a été avare et qui a traité de mensonge la récompense, la plus belle récompense, alors Allah subhanahu wa ta'ala il va lui rendre facile la difficulté. c'est-à-dire le châtiment. Donc quelqu'un, il a la récompense selon son attitude et son comportement face à la révélation et face à la vérité qui lui est présentée. Et bien, c'est un peu ça qui se passe ici dans ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala explique. Hein. Donc, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Qulubuna ghulf », nos cœurs sont enveloppés, il y a une enveloppe dessus. Et la parole du prophète sallallahu alayhi n'est pas capable d'arriver jusqu'à nos cœurs à cause de ça. Et elle n'est pas en paix hein, vis-à-vis de sa parole. Ils ont pris ça comme une excuse pour traiter de mensonge ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et ça c'est l'indication qui est la plus connue par rapport à ce verset-là. Puis il y a une autre explication, une autre signification par rapport à ce verset, quand ils disent « Qulubuna ghulf », c'est-à-dire nos cœurs sont remplis de science, déjà. En voulant dire, nos cœurs sont déjà remplis de science, on ne peut pas accepter de plus de science encore. On a tout ce qu'on avait besoin, on l'a déjà, donc on n'a pas besoin de d'autres paroles encore. Et donc, ils n'ont pas besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une autre signification pour le verset. Et le cheikh dit, « Allahu jalla wa ala yubayyinu anna al-illata laysat ma yaqulun. بل العلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم يعني طردهم وأبعدهم عن رحمته فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم فالباء سببية فصاروا لا يفقهون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به لأن الله صرفهم عقوبة لهم كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل وصار بعد ذلك لا يقبل الحق لأنه يفسد قلبه يفسد قلبه والعياذ بالله يعني يفسد قلبه والعياذ بالله كما قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل هذا في اليهود. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié la cause pour laquelle ils disent que leur cœur est enveloppé. Pourquoi la raison pour laquelle ils n'ont pas accepté la vérité qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est pas parce que leur cœur est enveloppé ou parce que leur cœur est plein de science. La réalité ou la vérité pour laquelle ils n'acceptent pas la vérité qui vient d'Allah, de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits à cause de leur mécréance. La'anahum, hein. Comme Allah il dit, فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Al-la'na en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire de rejeter quelqu'un ou de l'éloigner de la miséricorde d'Allah. C'est ça que ça veut dire la malédiction ou al-la'na en arabe. Donc, en fait, c'est qu'ils ont été repoussés et éloignés de la miséricorde d'Allah et donc ils n'acceptent pas la vérité à cause de leur mécréance. Et donc, بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بِ le ba ici, c'est le ba qu'on appelle en arabe sababiyya, le ba qui explique la cause, ok, بِكُفْرِهِمْ, c'est-à-dire à cause de leur mécréance, فَصَارُوا لَا يَفْقَهُونَ, donc à cause de leur mécréance, ils ne comprennent pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ne veulent pas s'y tourner, et ils ne veulent pas lui donner d'importance, et en réalité c'est parce que Allah les a punis, hein, du fait qu'ils ont yani, refusé de croire, et donc Allah les punit, à cause du fait qu'ils rejettent la vérité, Allah les a punis et il a détourné leur cœur. Comme il a dit à propos des Juifs dans Surat Saf, comme je disais tout à l'heure, le verset 5 à Saf, Allah il dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils sont déviés eux-mêmes, ils ont cherché la déviation, Allah les a. A fait dévier leur cœur. Hein? Donc, celui qui n'accepte pas la vérité, Allah l'éprouve en faisant en sorte qu'il l'éprouve par la fausseté, par le mensonge, par l'égard. Donc, فَصَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ الْحَقِّ. Donc, à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté la vérité depuis le début, Allah les a éprouvés par le faux, par la fausseté, et ils n'acceptent plus la vérité par la suite. Parce que leur cœur devient corrompu. Que Allah nous préserve de ça. Et donc, il mentionne ensuite le verset 88 dans Surat Al-Baqarah encore. Certes, Allah les a maudits à cause de leur mécréance, alors ils ne croient que très peu. Et il mentionne le verset 160 et 161 dans Surat Al-Nisa, qui explique d'autres causes pour la mécréance des Juifs. Du fait que, il dit, à cause de l'injustice des gens qui ont suivi la, il y en a à cause des Juifs, à cause de l'injustice des Juifs, on leur a interdit les bonnes choses qui leur avaient été rendues licites. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de choses, si vous regardez dans la religion des Juifs, c'est très difficile. C'est très difficile. Ils ont beaucoup d'interdictions dans leur religion. Ils ont beaucoup d'interdictions dans leur religion. Et la raison pourquoi ils ont eu ces interdictions-là, c'est parce que, ils ont été injustes envers eux-mêmes. Et pour les punir, Allah leur a interdit beaucoup de choses qui étaient halal à la base. Et c'est ça le problème de ces gens-là. Souvent, c'est comme ça. On a vu l'exemple dans Surat Al-Baqarah, quand Allah leur avait ordonné de dégorger une vache. Ils avaient le choix d'égorger n'importe quelle, de sacrifier n'importe quelle vache. Mais ils ont commencé à questionner, jusqu'à ce que Allah leur rende la chose la plus difficile. Et à chaque fois qu'ils posaient une question au sujet de quelle vache ils doivent sacrifier, Allah leur rendait les choses plus difficiles pour les punir. S'ils avaient accepté d'obéir depuis le début, la chose était très, très simple. Ils n'avaient qu'à prendre n'importe quelle d'entre les vaches et à l'égorger. Mais quand ils ont été trop pointilleux, ils ont voulu poser des questions parce qu'ils ne voulaient pas le faire en fait. Donc ils commençaient à poser plein de questions. Allah leur a rendu les choses de plus en plus difficiles pour que par la suite, ils comprennent que c'est une punition pour eux. Et c'est ça le résultat des gens. Après, quand ils désobéissent à Allah et quand ils refusent de se soumettre, alors depuis le début, eh bien, l'obéissance par la suite devient plus difficile. Et donc, à cause de leur injustice, on leur a interdit des choses qui leur étaient permises à la base. Et à cause du fait qu'ils ont obstrué beaucoup le sentier d'Allah, et parce qu'ils ont pris le riba, alors qu'on leur avait interdit de le prendre, ils ont pris les intérêts. Et si vous regardez même encore aujourd'hui les Juifs dans l'Ancien Testament, ils disent qu'ils se sont rendus licites à eux-mêmes le riba par rapport aux non-Juifs. Entre eux, ils ne prennent pas d'intérêt, mais avec les autres, ils prennent de l'intérêt. Donc ça, c'est une manière comment ils se sont rendus halal le riba. Et وَقَدْ نُوهُ عَنْهُ, alors qu'on leur avait interdit de prendre le riba. Et وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, ils mangent les biens des gens ou l'argent des gens de manière illicite. Et ça, c'est connu de ces gens-là. D'accord. Donc ça, c'est la parole d'Allah qui parle, qui décrit les Juifs dans le Coran. Et il dit, ça c'est au sujet des Juifs. Le cheikh dit ça c'est au sujet des Juifs. وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ هَذَا لَيْسَ صَحِيحًا وإنما الله صرفها عقوبة لهم وإلا أصل القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته ولكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق مثل الأرض إذا فسدت وصارت سبخة فإنها لا تنبت لأنها فسدت وكذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق. Le cheikh il dit que c'est pas vrai ce qu'ils disent, quand ils disent que leur cœur est enveloppé ou qu'il est plein de science, soi-disant, ça c'est pas la vraie raison pourquoi ils n'acceptent pas la vérité, c'est juste parce qu'en réalité Allah a fait dévier leur cœur, détourner leur cœur pour les punir. Sinon à la base le cœur il est sur la fitra, à la base le cœur il est sur la nature pure, sur l'islam, et il accepte la vérité par nature, par sa nature même. sauf si le cœur est devenu corrompu, ou si la fitra elle devient corrompue, alors là, il n'accepte plus la vérité. Comme la terre, une fois qu'elle devient corrompue, tu ne peux plus rien faire pousser dedans. Hein, tu ne peux rien faire pousser sur la, dans cette terre-là, une fois qu'elle est devenue corrompue. Hein, c'est comme si tu veux faire pousser dans le sable. Hein, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue corrompue. Eh bien, le cœur, c'est la même chose. Une fois qu'il devient corrompu, il n'accepte plus la vérité. وكذلك قول شعيب عليه الصلاة والسلام مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطابا حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره وبلاغة كلامه عليه الصلاة والسلام ومع هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز فهم لا يفقهون كلام شعيب لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم مثل ما حصل لبني إسرائيل وهذه سنة الله جل وعلا أن من تكبر على الحق ولم يقبله إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد القلب عقوبة له. الشيخ il dit, et ça c'est un exemple intéressant aussi, il dit comme l'exemple du peuple de Shu'aib alayhi salatu wassalam, ils ont refusé de l'accepter, qu'est-ce qu'il disait. Et malgré que Shu'aib c'était le plus éloquent des prophètes, et celui qui clarifiait le mieux ses paroles dans ses, quand il faisait des discours, hein, on l'a même nommé celui qui fait le khatib parmi les anbiyas, c'est celui qui est le meilleur à donner des discours parmi les prophètes, à cause de la force de son éloquence et de l'effet qu'il avait sur les gens quand il s'exprimait. Et donc il parlait très bien, il savait comment s'exprimer bien comme il faut, puis il avait un grand impact sur les gens quand il s'adressait à eux. Et malgré ça, son peuple a dit au Shu'aib, on ne comprend pas beaucoup de ce que tu dis. Donc ça c'est l'exemple du verset, ça c'est dans le verset 91, dans Sourate Hud, vous pouvez retourner pour vérifier. Quand le peuple de Shu'aib dit « Oh Shu'aib, on ne comprend pas beaucoup de ce que tu dis. » Donc le cheikh dit « Ils ne comprennent pas les paroles de Shu'aib parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé leur cœur. » Et ça c'est la même chose que qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et ça c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute personne qui s'enfle d'orgueil vis-à-vis de la vérité et qui ne l'accepte pas lorsque la vérité lui parvient. Eh bien, il est éprouvé et il est puni par la corruption de son cœur, et ça c'est une punition pour lui. Wal'iyadhu billah. Donc, le cheikh dit, وَكَذَلِكَ كُفَّرْ قُرَيْشِ لَمَّا قَالُوا لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا قُلُوبُنَا أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. فالكفار طريقتهم واحدة يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم بل هذا لقصور الشيخ دي هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ لا، ولكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم وعدم رغبتهم في الخير. Le cheikh il dit que les koufars de Quraysh ils ont dit la même chose au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 5, en surat Fussilat. Ils ont dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. Le cheikh il mentionne donc ce verset-là, il dit ils disent nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison ou un voile. Hein, agis de ton côté, nous agissons du nôtre. Donc, c'est-à-dire qu'ils prétendent que leurs cœurs sont voilés. Ils ne peuvent pas comprendre ce que le prophète est en train de leur dire. Alors que c'est de l'arabe clair, hein, c'est des paroles normales. Comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas comprendre? Le cheikh il dit, les kuffars, leur voix est une seule et même voix, peu importe. Hein, et quand ils s'opposent aux messagers et à leurs invitations, ils prétendent qu'ils ne peuvent pas comprendre leurs paroles. Est-ce que c'est parce que les messagers ont une limite ou un manquement dans leur transmission du message? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de transmettre correctement le message? Non. Mais c'est à cause du fait qu'ils ont un problème dans le fait d'accepter qu'est-ce qui leur est transmis des messagers à cause de leur mécréance et à cause du fait qu'ils se détournent. Yarhamukallah. Et du fait qu'ils ne veulent pas se tourner vers ce que le messager leur amène, et ils n'ont pas envie de suivre le bien et d'aller vers le bien. C'est à cause de ça en réalité qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et le cheikh ensuite il donne un autre exemple. Il dit « اعتياد اليهود عن التوراة بكتب السحر » المسألة السادسة عشر. Donc le point numéro 16 dans les Masa'il de la Jahiliya, c'est l'exemple des Juifs qui ont échangé la Torah pour les livres de sorcellerie et de magie. Hein? Ça c'est le point numéro 16. اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Donc le cheikh dit que les juifs ont délaissé ce qu'ils avaient reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la Torah et ils ont pris à la place les livres de sorcellerie et de magie, comme Allah le mentionne dans le verset 101-102 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque leur vient un messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui confirme ce qu'ils ont avec eux, une partie d'entre eux rejette derrière leur dos le livre qu'ils ont reçu, le livre d'Allah, hein, comme s'ils ne savaient pas, et ils suivent ce que les diables avaient récité, hein, ce que les diables avaient récité, ou avaient dit au sujet de Suleyman. Mais ce n'est pas Suleyman qui a rejeté la foi, mais ce sont les diables qui ont rejeté la foi, et ils enseignent aux hommes la sorcellerie. Donc le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il explique ça. اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل اسمه ورسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام حتى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به ابتلاهم الله جل وعلا بأنهم أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين واستبدلوا عمل الشياطين بوحي رب العالمين وهذه عقوبة لهم. فكل من أعرض عن الحق Le cheikh il dit que les juifs, lorsqu'ils ont mécru à la Torah, dans laquelle il y avait les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ben, ils ont été punis du fait qu'ils ont pris les livres de la sorcellerie à la place. Et il mentionne des versets qui mentionnent le fait que les juifs et les chrétiens savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le vrai messager d'Allah et qu'il était décrit dans leurs livres. Hein? Il mentionne le verset 157 dans Surat al-A'raf, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décrit. Le verset 157 de Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, c'est-à-dire celui qui ne sait ni lire ni écrire, qu'ils retrouvent écrit ou mentionné dans leur livre, la Torah et l'Injil, qui leur ordonne le bien et leur interdit le mal, et qui leur permet des bonnes choses qui leur avaient été interdites, hein, et qui leur permet les bonnes choses et qui leur interdit les khaba'is, les choses mauvaises, donc, et qui leur enlève une part du fardeau qui était sur eux, ou du carcan qu'ils avaient sur eux. التي كانت عليهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Ensuite, il mentionne la même chose à propos de Isa et l'Évangile. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Saff, c'est le verset 6, il dit, Isa, alayhi salam, Allah cite ses paroles, ô fils d'Israël, je suis pour vous le messager d'Allah, qui vient confirmer ce qui était mentionné auparavant de la Torah, et qui vient annoncer la venue d'un messager après moi, qui va se nommer Ahmad. Donc ça c'est l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, et sa mention elle est présente dans la Torah et dans l'Injil. Son nom il est mentionné, et son message et sa description. حتى أنهم يعرفونه، ils sont capables de le reconnaître comme ils reconnaissent leurs propres enfants عليه الصلاة والسلام. حتى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Donc lorsqu'ils ont mécru en le livre d'Allah et qu'ils n'ont pas appliqué ce qui était dedans, et bien Allah les a punis. Allah les a punis du fait qu'ils ont pris à la place les livres de sorcellerie, qui sont le travail ou l'œuvre des shayatines, des diables. Donc ils ont remplacé la révélation du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, par les œuvres des diables, des shayatines. Et ça c'est une punition pour eux. Donc toute personne qui se détourne de la vérité, Allah va le punir par qu'est-ce qui est faux. وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك ويبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات ويستدل لها ويروجها عند الناس على أنها حق وهذا واقع كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبوريين بدلا من أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الباطل ويدعون إلى عبادة القبور والتعلق بالأموات ويلتمسون لذلك الشبهات التي يروجونها على الناس فيشغلون وقتهم في هذا الباطل والعياذ بالله. Les cheikhs disent ainsi que toute personne qui abandonne la vérité, Allah le punit en faisant en sorte qu'il suive le faux et le mensonge par la suite. Et ça c'est une punition pour eux. Et le cheikh dit donc, celui qui abandonne la da'wa des messagers, l'appel au tawhid et l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'explication du tawhid, et bien Allah va le punir en faisant en sorte qu'il commence à propager le shirk et les superstitions et les mensonges à la place. Et il cherche à essayer d'argumenter pour prouver ces choses-là, et il les propage parmi les hommes comme si c'était la vérité. Et ça c'est la réalité de beaucoup parmi les soi-disant savants chez les khurafiyyin, les gens qui suivent leur passion, qui appellent à des superstitions ou à l'adoration des tombes. Au lieu d'appeler les gens à l'unicité d'Allah et au tawhid et au Coran et à la sunna, eh bien ils invitent les gens au mensonge et à la fausseté et à l'adoration et l'invocation des des idoles et plutôt des idoles qui sont les tombes en fait. Ils les prennent pour des idoles. Et ils accrochent les gens, ils appellent les gens à s'accrocher aux morts. Et ils ont plein de choubouhat qu'ils propagent parmi les gens à ce sujet-là. Et ils occupent leur temps avec tous ces mensonges-là. Voilà, l'Iyazoubillah. Et à quel point les gens sont affectés par ça. Une fois j'étais au New Jersey dans une mosquée, j'ai rencontré un vieux monsieur qui était assis là, il venait d'un pays musulman, et il est venu visiter son fils qui était allé vivre au New Jersey. Et allez, je discutais comme ça avec lui, puis là je mentionnais justement que dans certains pays musulmans, il y avait des gens qui demandaient l'aide des morts et qui adoraient les tombes. Et cet homme-là, il m'a étonné, parce que subhanallah, au lieu de confirmer et de nier, par exemple, de confirmer que ces choses-là existent et de les réprimander ou de les rejeter, de les critiquer, au lieu de ça, il les a approuvés. Il a commencé à dire « Ah oui, c'est vrai, et ça marche en plus. Hein, quand tu vas aller à, quand t'es malade, tu vas à telle tombe et puis tu vas aller, puis tu guéris. Hein. » J'ai dit « Subhanallah. » J'ai dit « Ça, c'est le shirk. Hein, comment quelqu'un peut dire quelque chose comme ça ?» Et là, je lui ai expliqué ces choses-là. Mais j'étais étonné de voir qu'un musulman pouvait croire à ces choses-là. Parce que souvent, on lit dans les livres de Tawhid, on lit qu'il y a des musulmans qui ont ces fausses croyances. Mais c'est rare qu'on ait l'occasion de rencontrer quelqu'un qui affirme cette croyance-là qui est fausse. Et quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, eh bien, vraiment, des fois, tu es choqué, en fait. Tu es étonné de voir qu'il y en a, effectivement, parmi les musulmans qui ont une aqidah comme ça, et qui croient en les tombes et en les morts, et qui pensent que, vraiment, ils offrent la guérison et qu'ils peuvent sauver les gens lorsqu'ils ont des malheurs. C'est pas quelque chose qui existe seulement dans les livres de Tawhid, qui sont mentionnés comme des anecdotes ou des exemples. C'est des choses réelles. Il y a des musulmans qui croient en ça réellement. Des gens qui se disent musulmans, qui croient réellement en ces choses-là, qui sont des choses de shirk, qui annulent la foi de quelqu'un. Donc c'est important de concentrer sur ça, sur ces principes-là du Tawhid, pour clarifier ça à des musulmans comme lui qui avaient mal compris, une chose comme ça. Et j'en ai rencontré d'autres aussi, dans d'autres endroits, des gens qui croyaient à des croyances de shirk et de kufr, et qui le disaient ouvertement. Et quand j'ai entendu ça, j'étais tellement choqué, je ne pensais pas que des gens allaient avoir le culot ou, disons, l'audace de le dire ouvertement. Eh bien oui, il y en a des fois, subhanallah, qu'ils le disent, et puis ça c'est toujours choquant, quand on rencontre des gens pareils. Donc ça, comme le cheikh il dit, c'est le fait que les gens se sont détournés, ils ont abandonné la vérité, se sont détournés de la vérité, Allah les a punis par le mensonge. Et donc l'exemple des juifs qui font la sorcellerie, c'est parmi les peuples les plus connus pour la pratique de la sorcellerie et du sihr. Et dans certains pays musulmans où il y a beaucoup de sihr qui est répandu, et bien souvent, les gens qui se disent musulmans qui pratiquent ces pratiques de sihr, ils les ont appris des juifs. Beaucoup de fois, c'est les juifs qui les ont enseignés à ces gens-là. نسبتهم الباطل إلى الأنبياء. فصل البوين numéro 17. المسألة السابعة عشرة. السابعة عشرة. للشيخ الذي نسبتهم الباطل إلى الأنبياء. c'est-à-dire qu'ils attribuent aux prophètes le qu'est-ce qui est faux, le mensonge et la fausseté. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit à ce sujet-là, نِسْبَةُ بَاطِلِهِمْ إِلَى الْأَنْبِيَا كَقَوْلِهِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَقَوْلِهِ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. Donc le cheikh dit le fait qu'ils attribuent leur fausseté aux prophètes, comme lorsqu'ils disent وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, c'est-à-dire dans le verset 102 dans Surat al-Baqara, et Sulaiman n'a pas rejeté la foi, n'a pas mécru. Et également le verset 67 dans Surat Al-Imran, et Ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit: min manahij al-jahiliya annahum yansibuna ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان فقالوا السحر من عمل سليمان وهو الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين وما علموا أن الشياطين من خلق الله يسخرهم سبحانه كيف يشاء وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان من أجل أن يروجوه عند الناس ويقولوا هذا من عمل الأنبياء وكذلك اليهود والنصارى ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وأبي الأنبياء ينسبون إليه ما هم عليه من الكفر ويقولون هذا دين إبراهيم ولهذا رد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه على دين التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين عكس ما عليه اليهود والنصارى Le Cheikh il dit que parmi les méthodologies des gens de la Jahiliya et les voies des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils essaient d'attribuer le kufr qu'ils sont en train de suivre et l'égarement qu'ils pratiquent au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les Juifs qui ont attribué la sorcellerie à Sulayman alayhi salam. Donc ils ont dit que la sorcellerie c'était l'œuvre de Sulayman. Et ils disaient que, c'est lui qui pratiquait la sorcellerie et c'était par la sorcellerie qu'il arrivait à contrôler les djinns et les shayatins. Donc il disait que Sulayman il avait le contrôle sur les djinns, sur les shayatins et c'est grâce à la sorcellerie qu'il arrivait à avoir ce contrôle-là sur eux. Et donc ils utilisaient cette chose-là ou cette explication-là, ils disaient ça aux gens dans le but de propager la sorcellerie parmi les gens. Et donc, le Cheikh il dit, ils n'ont pas su que les diables, ils font partie de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les assujettir à qui il veut, comme il veut. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à Sulayman alayhi salatu wassalam le pouvoir sur les djinns, et non pas par la sorcellerie. Donc, ces juifs-là, ils ont attribué à Sulayman la sorcellerie dans le but de propager la sorcellerie parmi les gens et de dire que ça c'est le travail des prophètes ou l'œuvre des prophètes. Et de même que les juifs et les chrétiens, ils attribuent leur mécréance et leur kufr à Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes, le père des prophètes. Ils lui attribuent ce qu'ils suivent de mécréance. Ils disent le christianisme et le judaïsme, c'est la religion d'Abraham. Ils prétendent que ça fait partie de la religion d'Abraham. Et il y a même cette bid'a que les gens, même parmi certains musulmans aujourd'hui, ont inventé, et ils appellent les chrétiens à s'unir avec les juifs et les chrétiens, soi-disant sur le fait qu'on fait partie des trois religions de la foi d'Abraham, ou le monothéisme d'Abraham. Et le cheikh il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant dans le verset 67 dans sourate Al-Imran, Abraham n'était ni un juif ni un chrétien mais il était un hanif et un musulman. Un hanif c'est-à-dire quelqu'un qui s'est écarté du shirk et de l'idolâtrie et qui était musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'était pas du nombre des mouchriquins non plus. Ibrahim, alayhi salam, il est venu avant les juifs et avant les chrétiens. Avant la Torah et avant l'Injil. Et les juifs, ils viennent à partir de quand? Ils viennent à partir de ce qu'on appelle les fils d'Israël. Ils viennent d'Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Et, déjà, le père de Jacob, c'est qui? De Yaakov, c'est qui? C'est Ishaq. Et le père d'Ishaq, c'est qui? C'est Ibrahim. Donc, comment lui pourrait être juif alors que c'est lui le père, à l'origine c'est lui le père, disons le grand-père de celui qui est à la base des juifs, c'est-à-dire Yaqub alayhi salam. Quand on dit Bani Israël, on dit les fils d'Israël. Quand on dit Jacob, il a eu 12 fils. Et c'est ces 12 fils-là qui sont les, à la tête des 12 tribus qu'on appelle les tribus d'Israël. Hein? Donc, c'est pas correct de dire qu'Abraham était juif, puisqu'il vient de l'Irak. Il vient de l'Irak et c'est son peuple. Étaient des idolâtres, des gens qui adoraient des idoles, des statues. Et lui, il a combattu le shirk à l'époque, le shirk qui était pratiqué par ces gens-là qui adoraient les étoiles, qui adoraient les idoles et les statues, et il a quitté son peuple pour aller vivre dans une autre région, dans le Sham. Hein. Il a laissé une de sa famille dans la Syrie, Sham, et une autre partie l'a laissé à la Mecque. C'est Ismaïl avec sa mère, et l'autre femme, il l'a laissé en Donc c'est pour dire que il n'a rien à voir avec les juifs, il n'a rien à voir avec les chrétiens non plus. Hein? Les chrétiens qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala par la personne du prophète Isa alayhi salam, ils l'ont adoré en dehors d'Allah, ils ont dit que c'était son fils, puis ils ont dit qu'il était trois en un. Hein? Donc le cheikh dit que la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est la religion du Tawhid et c'est la religion du désaveu par rapport au shirk et par rapport au mushrikin, de se désavouer du shirk et des mushrikin. Donc la religion des juifs, elle est basée sur le kufr et le shirk, et la religion des chrétiens aujourd'hui, elle est basée sur le kufr et le shirk. Il ne reste plus rien des enseignements authentiques des prophètes Moussa et du prophète Issa dans ce qui est pratiqué aujourd'hui chez les chrétiens et chez les juifs, peu importe la secte d'entre elles, que ce soit protestant, que ce soit catholique, que ce soit orthodoxe, que ce soit témoin de Jéhovah, et tous les autres groupes, et la même chose chez les juifs, que ce soit des orthodoxes, des hassidim ou d'autres groupes, ils ont plein de sectes eux aussi, et ils sont tous dans le kufr et dans le shirk. D'accord? Donc, le tawhid, l'islam et la religion d'Ibrahim, c'est le tawhid. Et le bara'a, de se désavouer du shirk et de se désavouer des mushrikin, et les juifs et les chrétiens, leur religion aujourd'hui, c'est basé sur le contraire de la religion d'Ibrahim. Comment ils pourraient être sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam? Donc, ça, c'est pour répondre à ceux parmi les musulmans aujourd'hui qui disent, on veut réunir les trois religions monothéistes. Il n'y en a qu'une religion monothéiste. La religion monothéiste d'Ibrahim, c'est l'islam, c'est le tawhid. C'est seulement l'islam qui a gardé les enseignements des prophètes dans leur pureté telle qu'elle était, comme elle a été révélée. وَأَيْضًا مَا حَدَثَتْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِبْرَاهِيمِ بِقُرُونَ فكيف تنسب إليه اليهودية والنصرانية؟ وهذا من أقبح الكذب، فالتاريخ يكذبهم لأن بينهم وبين إبراهيم قرونا طويلة، والتوراة ما نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل ما أنزل، والتوراة ما نزلت على موسى، والإنجيل ما أنزل على عيسى إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وكذلك كان في هذه الأمة من ينسب ما ينسب ما هو عليه من الباطل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضع الأحاديث المكذوبة لنصرة باطله. الشيخ يقول de même comme on a expliqué, comme j'ai donné les exemples déjà, il dit la même chose. Le christianisme et le judaïsme et les christianistes sont arrivés bien longtemps après Ibrahim, des siècles après. Comment on pourrait attribuer ces religions-là à Ibrahim? Hein? Ça c'est un mensonge, un des plus laids parmi les mensonges, et l'histoire, elle contredit ce qu'ils disent. hein, l'histoire montre que ce sont des gens qui mentent, hein, parce que entre Ibrahim et ces religions-là, il y a des siècles qui les séparent. La Torah qui a été révélée à Moïse et l'Injil qui a été révélé à Isa, et bien ça, c'était très longtemps après Ibrahim. Comme Allah SWT le dit dans le verset 65 dans Sourate Al-Imran, ô gens du livre, pourquoi vous argumentez au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Injil n'ont été révélés que très longtemps après lui? Ne réfléchissez-vous donc pas. Et il mentionne dans le verset 93 dans Sourate Al-Imran, toutes les nourritures étaient halal pour les fils d'Israël, excepté ce que Israël, c'est-à-dire Jacob, avait interdit pour lui-même. Qu'est-ce qu'il s'était interdit pour lui-même avant la révélation de la Torah? Donc, le Cheikh il dit, c'est ainsi que cette Ummah, parfois dans cette Ummah, il y en a des individus qui veulent attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et ils fabriquent des hadiths mensongers pour justifier ou défendre leur fausseté. وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة فينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف وما كان هؤلاء الأئمة رحمهم الله معتزلة بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام. الشيخ الذي de même que parmi cette umma il y a des individus qui prétendent suivre les quatre imams des quatre mazahib, alors qu'ils les contredisent dans leur croyance et dans leur aqidah. Donc ils prétendent suivre Abu Hanifa, ou de suivre l'imam Malik, ou de suivre l'imam Shafi'i, ou de suivre l'imam Ahmad ibn Hanbal, alors qu'ils sont sur la aqida des Mu'tazila et des Asha'ira. Donc déjà on sait que les Mu'tazila les quatre imams ont combattu leur croyance et leur bid'a. Les quatre imams des Mazahib ont combattu la bid'a des Mu'tazila. L'imam Ahmad, il a été torturé, hein, à cause d'eux. Et il les a combattus toute sa vie. Hein, et les autres imams aussi la même chose. Et l'imam Al-Ash'ari, Abu al-Hassan Al-Ash'ari, il est né bien longtemps après les quatre imams. Donc comment les quatre imams pourraient être à Sha'ira, puisqu'ils sont nés bien longtemps après? Ça c'est ridicule, hein? Donc c'est la même chose que les chrétiens et les juifs qui disent Abraham était sur notre religion alors que il est venu bien longtemps avant eux. C'est la même chose pour les gens qui disent on suit les quatre imams, mais les quatre imams sont nés avant les quatre imams sont morts des siècles avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari, quand il a grandi, pendant 40 ans, il était sur la aqida des Mu'tazila. Pendant 40 ans, il était dans la secte des Mu'tazila, 40 ans de sa vie. Il est né en 260 Hijri. Donc pendant 40 ans, il était sur la aqida des Mu'tazila. Et donc, ça veut dire à partir de ce moment-là, disons 40 ans plus tard, il s'est repenti, donc disons 310. Hein? 260, donc si de 260, alors 300, il a quitté les Mu'tazila, supposons. Après, il a passé une étape dans laquelle il a suivi la voie des ulama de kalam. Ulama de kalam, c'est des gens qui essaient de réfuter les Mu'tazila, mais en se basant sur la raison. Hein? Ils utilisaient des arguments rationnels pour essayer de réfuter les Mu'tazila. Ils affirmaient certains attributs, il y a d'autres attributs. Et par la suite, après, comme on dit qu'avant sa mort, il s'est repenti, il est revenu à la aqida d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Mais la plupart des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont Asha'ira, ils ne suivent pas la dernière position de l'imam al-Ash'ari, ils suivent sa position après s'être repenti des Mu'tazila, donc ils continuent à suivre la voie des ulama de Kalam. Ça c'était les premiers Asha'ira, ils suivent cette position-là la plupart. Et ceux qui sont venus par la suite, comme l'imam al-Ghazali et l'imam, comme ils appellent, l'imam al-Haramayn al-Juwayni, eux, ils se sont rapprochés encore plus, ils sont reculés encore plus vers la voie des Mu'tazila. Donc ça veut dire que les premiers comme l'imam al-Ash'ari et ceux qui l'ont suivi au tout début, ils essayaient de s'éloigner des Mu'tazila. Mais ceux qui les ont suivis par la suite, ils sont reculés, ils ont retourné en arrière vers la voie des Mu'tazila. C'est pour ça que tu retrouves que les Mu'tazila aujourd'hui, ils sont beaucoup plus proches des Mu'tazila que à l'époque de ceux qui suivaient après proche de la période de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, comme l'imam al-Baqilani et Ibn Furak et d'autres. Et ils affirmaient plusieurs des attributs qui sont niés aujourd'hui par les Asha'ira d'aujourd'hui. Donc ils sont retournés beaucoup plus proches de la position des Mu'tazila, Allah musta'an. Tout ça pour dire que les quatre imams des mazhabs n'ont rien à voir avec ces sectes et ces croyances-là. Donc de dire que de prétendre suivre les quatre imams et de dire comme ils disent, comme les Ahbash, par exemple, les Ahbash, et aussi d'autres groupes de sectes comme le site Aslama.com aujourd'hui, ils disent nous on est sunnites et on suit les quatre mazhabs. Sauf que ils prétendent qu'ils sont sunnites, mais ils sont asha'ira. Ils prétendent qu'ils sont sunnites, mais ils prétendent qu'ils suivent les quatre madahib, mais ils suivent la aqidah des asha'ira et des maturidiyya. Donc, déjà ça c'est une contradiction. Donc, alhamdulillah, ça c'est un exemple des gens de la jahiliya. Des gens de la jahiliya qui attribuaient aux prophètes des fausses croyances et qui leur attribuaient des fausses croyances, puis essayaient de justifier leurs fausses croyances en les attribuant aux messagers et aux prophètes. Donc ça c'est un point. Et on va lire un dernier point, puis on va terminer avec celui-là. Intisabuhum ila al-anbiya ma'a mukhalafatihim, ma'a mukhalafatihim. Ça ressemble au point précédent. Ils prétendent suivre les prophètes, mais ils les contredisent. Ils prétendent suivre les prophètes, mais ils les contredisent. Ça, c'est le point numéro 18. Tanaquduhum fi, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, Tanaquduhum fi l'intisab. Yantasibuna ila Ibrahim, ma'a izharihim tark ittiba'ihi. Ils prétendent suivre, ils se contredisent dans le fait d'appartenir aux prophètes ou de suivre les prophètes. Ils prétendent suivre Ibrahim en apparence, mais ils montrent qu'ils font le contraire. Ils suivent le contraire de ce que Ibrahim a enseigné. التناقض في الانتساب هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل وكذب. والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له. فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين، ولا يخالفه في شيء من ذلك. ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال القبلة أو لاستقبال الكعبة. ولهذا قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله أغني عن العالمين. وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة يجب أن يوافقهم في الاعتقاد ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. Donc, le Cheikh, c'est comme la suite du point précédent. Il dit, le fait de prétendre une appartenance Et la contradiction dans le fait d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, c'est lorsque tu dis « j'appartiens à cette chose, mais je la contredis ». Ça, c'est une appartenance qui est fausse, hein, qui est mensongère. Et le fait d'appartenir à quelque chose et une appartenance qui est correcte, c'est d'appartenir à cette chose-là et d'être en accord avec celle-ci. Donc, ceux qui prétendent appartenir à Ibrahim, hein, et qui sont en accord avec ce qu'il a amené comme tawhid, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et d'avoir ikhlas dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer des mushrikins, et de ne pas opposer Ibrahim dans quoi que ce soit de ces choses-là, ça c'est correct, ça c'est une vraie appartenance. Mais par la suite, on voit que les Juifs, par exemple, qui disent qu'ils appartiennent ou qu'ils suivent Ibrahim, refusent de faire le hajj à la Mecque, et ils refusent de se diriger vers la Kaaba dans leur prière. Hein? Donc ça c'est une contradiction du fait de vouloir, de prétendre qu'ils suivent Ibrahim alayhi salam. Le verset 96 et 97 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la première demeure, la première maison qui a été bâtie pour les hommes, pour l'adoration d'Allah, c'est celle qui est à Mecca, hein, qui est nommée Bakka, qui est bénie, et qui est une guidance pour l'humanité. Il y a dedans des signes, comme Maqam Ibrahim, et quiconque entre dans ce lieu-là, il est en sécurité, il est en paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes de faire le hajj vers la maison, hein, c'est-à-dire à la Kaaba, pour celui qui a les moyens de le faire, qui est capable de le faire. Et quiconque rejette la foi par la suite, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut se passer de l'univers entier. Et donc, toute personne, ou également toute personne qui prétend suivre les quatre imams des madhahib, c'est obligatoire pour lui d'être en accord avec ces quatre imams dans leur aqida. On sait que dans la aqida, dans la croyance, les quatre imams des madhahib, hein, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ils étaient tous d'accord dans l'aqida, ils avaient tous la même aqida, ils étaient tous sur l'aqida des salaf al-salih. Hein, et il n'y en a pas aucun d'entre eux qui contredit les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Puis par la suite, tu vois des gens apparaître avec d'autres aqidas et ils prétendent suivre les quatre imams. Donc le cheikh il dit, ça c'est une contradiction. Tu ne peux pas suivre la aqida des Mu'tazila et des Jahmiya et des Asha'ira si tu prétends suivre les quatre madhahib, ça c'est un mensonge. Et donc ça c'est un autre point. Donc, ça c'est un bon point, je pense qu'on va terminer avec celui-là. Puis, je pense que après ça, on aura clarifié quand même beaucoup de choses. Le cheikh, il donne comme point numéro 19, c'est-à-dire le fait de blâmer des gens pieux à cause des actions de certaines personnes qui prétendent, disons, suivre ces hommes pieux-là. Hein? Ça c'est le point numéro 19. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit que ils attaquent ou ils critiquent les hommes pieux à cause des actions ou des pratiques de ceux qui prétendent les suivre. Comme par exemple le fait que les Juifs critiquent Isa alayhi salam à cause de ce que pratiquent les chrétiens, hein. Ou bien que certains juifs et certains chrétiens critiquent le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam à cause de certaines pratiques que font les musulmans, hein. Donc le cheikh dit qadhuhum fi salihin bima yaf'aluhu ba'd al-muntasibin ilayhim min al-af'al as-sayyi'a fayansibuna af'al al-atba' ila al-madbu'in wa hum minha bura'a كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله أو ابن الله. Le cheikh il dit le fait que des gens, ça c'est une partie des exemples des gens de la jahiliya, ils critiquent les hommes pieux à cause de ce que ceux qui prétendent les suivre font comme mauvaises actions. Hein? Et par exemple ils attribuent aux gens qui suivent ces hommes pieux-là, ils attribuent par exemple à ces gens-là qu'est-ce que les gens qui les suivent font, alors qu'ils sont innocents de ce que ces gens-là pratiquent. Comme par exemple, les chrétiens, ils accusent Isa, alayhi salam, de toutes sortes de déviations et d'égarements à cause des chrétiens, qu'est-ce qu'ils pratiquent. Du fait que, par exemple, ils disent que Dieu est trois en un, la Trinité. Ou bien que Al-Messih, yani Jésus était Allah. Ils disent que Jésus est Allah, ou qu'il est le Fils d'Allah. Donc ça, c'est des exemples, yani d'erreurs que les chrétiens pratiquent, et eux, ils attribuent ça à Isa, alayhi salam, et ils accusent Isa, et ils le critiquent à cause des actions de ces chrétiens-là. Donc ça, c'est de l'injustice. Il dit, وكذلك من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم بما يفعله بعض المنتسبين الى دينه من القبوريه ومن الجهميه والمعتزله والخوارج. De même que ceux qui attaquent ou qui critiquent le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم à cause de ce que certains musulmans, certaines personnes qui se disent musulmans font, comme par exemple les gens qui abordent les tombes, qui suivent la aqidah des Jahmiyyah ou des Mu'tazila ou des Khawarij, hein, les gens qui à l'époque actuelle font des attentats terroristes ou qui font des attentats kamikazes, des trucs comme ça, ils disent, regardez, ça c'est l'islam, et c'est ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait. Et les kuffar, ils se moquent de l'islam et ils font des caricatures du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cause de qu'est-ce que certains égarés aujourd'hui font, qui se disent musulmans et qui font des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Donc le shaykh il dit, فَنَقُولُ لِمَنْ يَقْضَحُ فِي هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ هَذَا هُوَ دِينُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَيْسَ هَذَا دِينُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَيْسَ هَذَا دِينُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأَتْبَاعِ انْحِرَافِ فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ هَذَا الشَّيْءِ فلا تعاب رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والصليبية والكفر القبيح إلى دين عيسى عليه السلام ولا ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام أو الملاحدة من الرافضة والباطنية وإن تسموا بالإسلام هذا لا ينسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ينسب إلى وإنما ينسب إلى النبي من اتبعه وآمن به وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المنتسبين إليهم من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل. Le cheikh dit, on répond à ceux qui accusent ces prophètes que ça ne fait pas partie de la religion de Moïse, de Moussa alayhi salam. Et ça ne fait pas partie de la religion de Jésus, de Isa alayhi salam. Et ça ne fait pas partie de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les gens qui prétendent suivre les fidèles ont des déviations, on n'attribue pas ces déviations-là au message de base, hein, et à celui qui l'a ramené le message. Hein, on attribue ces erreurs et ces déviations-là à ceux qui les ont pratiquées eux-mêmes. Et on ne va pas blâmer le message de Moussa à cause de ce que les Juifs ont fait comme déformation, comme déviation et comme changement de la révélation. Et on ne va pas non plus attribuer à Isa alayhi salam ce que les chrétiens ont fait comme shirk et comme adoration de la croix et comme différentes formes de kouf, hein, qu'ils ont inventées dans leur religion. De même qu'on ne va pas attribuer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce que font les gens qui adorent les tombes et qui se disent musulmans et qui prétendent l'islam, ou ce que font les athées parmi les égarés parmi les rafida et les batiniya, hein, qui insultent les sahaba et qui font plein d'autres formes de kufr de shirk, même si ces gens-là se disent musulmans. Même si ces gens-là se disent musulmans. Et ça, on n'attribue pas ça à la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et on peut rajouter également ceux qui font des actes de terrorisme au nom de l'islam, on n'attribue pas ça à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On attribue uniquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceux qui le suivent correctement et qui croient en lui, hein, et on attribue uniquement aux hommes pieux ceux qui les suivent correctement, hein, et qui les prennent comme exemple. De même que c'était comme Allah il le dit dans le Coran, dans le verset 100, dans Surah Tawbah, et les premiers croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Et le verset 68, dans Surah Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui méritent plus d'appartenir à Ibrahim, et de dire qu'ils suivent Ibrahim, sont ceux qui l'ont suivi réellement, hein. الذين اتبعوا وهذا النبي et ce prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent qui méritent plus de se dire ou de suivre, de dire qu'on suit l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam et de dire qu'on est sur la religion d'Ibrahim. C'est ceux qui le suivent, pas ceux qui le disent avec la bouche mais qui font le contraire dans leur pratique. De même que ceux qui disent qu'ils suivent les quatre madahib, hein, et qui sont dans des déviations dans la croyance et qui contredisent les preuves de la révélation, ceux-là ne font pas partie des gens qui suivent ces quatre imams-là, même s'ils le prétendent. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on va compléter ça une autre fois peut-être, Inch'Allah. Donc on s'arrête, subhanakallah, bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.